Section 64 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Jehan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Formation des grands États, 1270-1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 15. L'Europe de l'Est, la Pologne et la Russie, depuis l'invasion mongole jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Première partie. Grandeur de la Pologne, par Ernest Denis. Dans l'histoire si tourmentée de la Pologne, le XIVe et le XVe siècle sont certainement la période la plus heureuse. Ces deux siècles représentent en effet pour elle une ère de succès presque continu. Un brusque réveil de la conscience nationale, analogue à celui qui, un peu plus tard, arrache la Bohême à la main que l'Allemagne avait déjà mise sur elle, rétablit l'unité de la monarchie. La concentration des diverses principautés sous un seul souverain, le rétablissement de l'ordre, et l'habileté supérieure de quelques rois, tels que Vladislav le Quiétec et Casimir III le Grand, assurent au nouveau royaume une incontestable supériorité sur les États voisins. L'ordre teutonique doit reconnaître sa suzeraineté. La Lituanie et les Russies de l'Ouest et du Sud s'unissent à elle. Les Tchèques et les Magyars choisissent des rois parmi ses souverains. Ses frontières s'étendent de la Baltique à la mer Noire, et pendant quelque temps, elle domine toute l'Europe orientale, où elle apparaît à la fois comme le soldat de la chrétienté contre les infidèles et le défenseur des Slaves contre les races ennemies. À l'intérieur, c'est une période de prospérité et de civilisation. La Constitution maintient l'équilibre entre les prérogatives royales et les droits de la noblesse. Cependant, dès la fin du XVe siècle, il nous faudra signaler les côtés faibles de l'état social et politique et les germes des dissensions futures. Reconstitution du royaume de Pologne. Après la mort de Bolesław Krivousti, 1139, la Pologne, comme la Russie, après Yaroslav, s'était divisée en nombre de petites principautés. Ce morcellement et les guerres perpétuelles qui en furent la conséquence, en même temps qu'ils favorisaient l'invasion étrangère, accentuèrent les différences qui, dès l'origine, avaient séparé les diverses provinces. Chacun de ces apanages eut non seulement son administration particulière, mais ses coutumes propres, ses tendances spéciales, sa physionomie individuelle très nettement marquée. Leurs faibles souverains ne réussirent pas à conserver dans leur intégrité les droits qui avaient appartenu aux anciens piastes. La Constitution se transforma. Au régime patriarcal se substitua le régime que les historiens polonais nomment ordinairement le régime patrimonial, parce qu'il réduisait les princes aux seules ressources qu'ils tiraient de leur patrimoine, et qu'on nommerait plus clairement le régime des privilèges. Le clergé d'abord, les nobles ensuite, les chevaliers, les villes enfin, et les colonies étrangères, se sont peu à peu soustraits aux lois et aux coutumes qui réglaient à l'origine la condition de tous les habitants. Ils ont obtenu des prérogatives garanties par des chartes qui limitent l'action du prince, et le réduisent à n'être plus qu'une sorte de médiateur entre les diverses classes de la nation. Quelque dangereux que fût ce régime, il eut pour résultat immédiat de hâter le progrès moral et économique de la nation, et, issu de l'anarchie, il en prépara la fin. Le développement de la richesse fit sentir plus vivement les inconvénients d'un système qui exposait sans cesse le pays à l'invasion et le condamnait aux discordes civiles. L'extension de la colonisation germanique, en menaçant la prépondérance de la noblesse, réveilla chez elle le sentiment national. Elle trouva un appui passionné dans le peuple, chez lequel le particularisme provincial n'avait pas supprimé l'idée de l'unité de race et qui gardait au cœur une haine inapaisée contre les Germains. La nouvelle monarchie arriva rapidement à la puissance parce qu'elle avait été appelée et créée par le vœu unanime des habitants, qui avaient soif d'ordre, de sécurité et de revanche. Les rassembleurs de la terre polonaise furent les héritiers d'une des plus faibles dynasties de Pologne. Le prince de Bresque, en Coujavie, Vladislav Lokietek ou le Nain et son fils Casimir le Grand. Vladislav, après une lutte acharnée qui remplit toute la première partie de son règne, écrase les résistances allemandes et rend à la Pologne Cracovie, dont il fait sa capitale. En 1312, la langue allemande disparaît pour toujours des registres municipaux de la ville, et quelques années plus tard, en 1319, Lokietek consacre la restauration de l'unité polonaise en prenant dans la cathédrale de Cracovie la couronne royale que porteront désormais tous ses successeurs. À l'exception de la Mazovie et d'une partie de la Coujavie, tout le territoire occupé par la race polonaise reconnaît les lois de Vladislav, et il se croit assez fort pour essayer de disputer aux Teutoniques et aux rois de Bohême les domaines qu'ils ont usurpés à la faveur de l'anarchie. Il réunit en 1331 une assemblée générale de toutes les terres, la première grande diète de la Pologne, marie son fils à la fille du fondateur de l'État lituanien, Gédimin, indiquant ainsi à ses successeurs la politique qui assurera leur puissance. Casimir le Grand, acquisition de la Russie rouge. Lokietek ne s'était pas trompé quand, à peine affermi sur son trône, il avait poussé ses premiers bataillons à l'assaut des forteresses de la basse Vistule. Coupé des montagnes depuis que la Silésie était devenue allemande, et refoulé fort loin à l'est de l'Oder par les progrès continus des Ascaniens, la Pologne ne pouvait abandonner encore à une race ennemie les bouches de son grand fleuve. L'instinct du peuple avait devancé sur ce point la prévoyance des rois. C'était pour surveiller plus facilement les points menacés que la capitale avait été transportée à Cracovie. C'était pour arrêter l'immigration étrangère qu'on avait poursuivi, avec une hâte presque fébrile, la colonisation de la Mazovie et de la petite Pologne. Ces régions avaient été complètement transformées, les marais desséchés, les fleuves régularisés, les forêts défrichées. Le climat même s'était modifié. Tout cet immense labeur serait-il perdu? Était-il admissible que la vie économique du pays dépendît de la volonté de chevaliers allemands qui arrêtaient à Thorn les marchandises polonaises, et de Marienbourg, leur nouvelle capitale, fermait aux Slaves toute communication avec la mer? Entre l'ordre et la Pologne, aucune conciliation n'était possible. Leur vie historique n'est qu'un long duel qui s'est poursuivi sans relâche du XIIIe au XVIIIe siècle, d'Hermann de Salza à Frédéric II. Dans l'histoire des Slaves de la Vistule, le siège du drame est toujours à Marienbourg. Les conquêtes vers l'Est ne sont que des épisodes ou des expédients dans lesquels ils cherchent une distraction à leurs échecs ou des renforts pour les entreprises qu'ils méditent contre les Allemands de la Baltique. Les Teutoniques étaient de redoutables adversaires. Leur constitution faisait d'eux une des plus solides puissances militaires du Moyen-Âge. Laissant aux villes une assez large autonomie afin d'attirer les colons et de favoriser le développement de la richesse, ils avaient établi une hiérarchie savante qui mettait à chaque heure entre les mains de leurs chefs toutes les ressources du pays. Les recrues ne leur manquaient pas et elles étaient excellentes. Leur trésor, en partie fourni par les redevances qu'ils levaient sur le commerce de la Vistule, était toujours disponible. Bien qu'il eût habilement préparé son attaque, Lokietek, en dépit de succès retentissants, n'avait pas ébranlé leur position. Casimir le Grand, 1333-1370, comprit qu'à poursuivre avec acharnement une lutte inégale, il risquait d'épuiser sans profit les forces du royaume et il ajourna la revanche. Il liquida le passé en abandonnant à Jean de Luxembourg la Silésie, 1336, et en laissant à l'ordre la Poméranie et le pays de Chulm, traité de Calice, 1343. La rançon était lourde et la restitution de la Coujavie et de Drobzin, à laquelle consentirent les Teutoniques, n'en adoucissait que bien peu l'amertume. Mais Casimir ne s'était résigné à ces sacrifices que parce qu'il entrevoyait ailleurs des dédommagements probables. Trop faible pour vaincre les Teutoniques, il se retourna vers l'Est en attendant l'occasion de mener de nouveau à l'assaut contre les Allemands l'armée polonaise réorganisée et grossie d'importants renforts. Vers le Ve siècle, la Galicie était au centre même des régions occupées par les Slaves. C'était là que se trouvaient la Grande Croatie et la Grande Serbie, et de là partirent les tribus qui peuplèrent la Croatie et la Serbie actuelles. La partie orientale de ce que l'on nomme aujourd'hui la Galicie relevait depuis le Xe siècle de la Grande Principauté russe. Elle portait dès lors le nom de Russie rouge. Vers le milieu du XIIe siècle, le prince russe Vladimir Yaroslavitch choisit pour capitale Galitch, sur le Dniester, et y fonda une principauté particulière, mais toujours rattachée à la Russie. D'ailleurs, l'autorité des grands princes n'y était guère que nominale, et elle s'effaça presque complètement quand l'hégémonie passa à la Souzdalie. Les rivalités des candidats qui se disputaient le pouvoir favorisèrent les empiétements de l'aristocratie. Les boyards disposèrent souvent du trône, et leurs querelles éveillèrent l'ambition des puissances voisines. Enfin, Roman de Voligny, 1188-1205, se fortifia dans Galitch, plia aux joues à force de supplice la noblesse, disposa du trône de Kiev et prit le titre de maître de toutes les Russies. Son fils Daniel, 1205-1264, ceignit la couronne royale et parut un moment appelé à affranchir des Mongols la Russie méridionale. Obligé de s'humilier devant leur camp, il s'efforça de développer la prospérité matérielle du pays. Ses successeurs, en dépit des guerres civiles incessantes, suivirent son exemple, attirèrent des colons étrangers, favorisèrent le commerce, fondèrent des villes. Les relations avec la Russie devenaient fort rares. Depuis l'invasion tatare, le sud n'était plus qu'une poussière d'État. La Souzdalie était en décadence. La Moscovie n'était pas encore née. Les progrès de la richesse faisaient plus odieux le joug mongol, et l'anarchie rendait à la fois probable et désirable l'établissement d'un pouvoir étranger capable de maintenir la paix publique. Menacés à la fois par les Mongols, les Lituaniens, les Hongrois et les Polonais, les habitants de la Russie rouge acceptèrent avec résignation leur union avec la Pologne, dont les rapprochait la langue, les traditions et les mœurs, et avec laquelle ils entretenaient depuis longtemps des rapports commerciaux très actifs. Quand la dynastie de Roman de Voligny s'éteignit avec Georges II en 1335, ils offrirent la couronne à Boleslav de Mazovie, et après sa mort, 1340, Casimir le Grand revendiqua sa succession. Les Hongrois et les Lituaniens essayèrent de la lui disputer, mais il obtint en 1352 le désistement de Louis d'Anjou en lui reconnaissant un droit de haute suzeraineté sur la Galicie. Note. C'est sur ce traité que l'Autriche s'est principalement appuyée en 1772 pour réclamer la Galicie. Fin de note. Et en 1366, celle des Lituaniens par l'abandon de la Podolie et de la plus grande partie de la Volhynie. La cession de ces provinces n'empêcha pas d'ailleurs l'influence polonaise d'y pénétrer, et même après ces concessions, la part de Casimir restait considérable. La Pologne, désormais maîtresse des cours entiers du Sang et du Bug, tenait solidement la Vistule qui devenait bien véritablement la grande artère du royaume. Gouvernement de Casimir. Ses succès n'étaient que le résultat naturel des progrès qui s'accomplissaient dans le royaume grâce à la ferme prudence et à l'habile modération de Casimir. Un peu trapu, le front haut et vaste, les yeux éclatants, Casimir joignait à une perspicacité fort avisée une active persévérance, et à beaucoup de souplesse une volonté très arrêtée. Très jaloux de ses droits et ne reculant pas à l'occasion devant la violence quand il les voyait menacés, il ne songea pas cependant à transformer radicalement l'ordre de choses qui était sorti des événements. Il avait passé la plus grande partie de sa jeunesse à la cour de son beau-frère, Charles Robert de Hongrie, et il en avait rapporté le goût très vif de la civilisation occidentale et de l'administration monarchique que les Angevins avaient emprunté aux Capétiens et implanté dans leurs États. Il s'inspira de leur exemple, mais sans empiéter sur les droits des diverses classes. La restauration de l'autorité royale devint aisée parce qu'elle ne parut réclamer d'autres fonctions que celle d'assurer les privilèges de tous. Pendant l'anarchie, des castes s'étaient formées. Les chevaliers sont devenus des nobles, schlachtisti, ils ne supportent aucune des charges publiques, ont transformé en propriétés héréditaires les domaines qu'ils ont reçus de la libéralité des rois, exercent sur leurs colons une juridiction et exigent d'eux les redevances qui n'étaient dues auparavant qu'à l'État. Ils ont le droit d'occuper les terres désertes et de réunir à leurs exploitations les lots des colons morts sans héritier. Déjà, grâce à cette coutume, quelques familles accroissent leur fortune et préparent ainsi, au sein même de la noblesse, la formation d'une oligarchie qui tiendra dans ses mains les destinées du pays. À côté de la noblesse, le clergé jouit aussi de privilèges fort étendus et possède de vastes domaines. La restauration de l'unité nationale n'avait servi d'abord, par une conséquence assez inattendue, qu'à favoriser les progrès de l'aristocratie. Loquetec avait dû s'appuyer sur la classe où l'idée polonaise était restée la plus vivante. De plus, auparavant, les charges publiques étaient des fonctions princières, et les officiers, nommés par les ducs, avaient pour mission de servir leurs intérêts. Lorsque l'union se fit, chacune des principautés conserva son autonomie, ses tribunaux, son administration, ses dignitaires, voïvodes et châtelains, chanceliers, chambellans, etc. Mais ceux-ci regardèrent dès lors comme leur premier devoir de défendre les coutumes de leur pays contre les empiétements de l'autorité centrale, c'est-à-dire les droits des classes privilégiées contre le roi. Ils furent les représentants du pays et les censeurs du souverain. Dans leurs réunions, roki, colloquia, se décidèrent les principales affaires. Casimir ne contesta aucun des droits que s'était attribué la noblesse, mais il resserra le lien, encore assez lâche, qui rattachait entre elles les diverses provinces. Il constitua une nouvelle administration qui représenta réellement l'autorité royale. Le sous-trésorier, le sous-chancelier et le maréchal de la cour dirigèrent un véritable ministère, où siégèrent les hommes les plus distingués par leur situation et leurs talents, et d'où sortit une remarquable école politique. Dans les provinces, les starostes, et sous leurs ordres, les burgraves, établis dans les principales villes, maintinrent l'ordre et habituèrent toutes les classes à plier sous la volonté souveraine. Les colons étrangers, protégés dans leur activité et leur fortune, ne portèrent plus leur cause devant les tribunaux des villes impériales, mais devant des tribunaux provinciaux qui relevèrent de la cour suprême de Cracovie. Les communes jouirent d'une autonomie fort étendue, mais le roi se réserva la confirmation des officiers municipaux. Une organisation plus rationnelle, en rattachant à la propriété, et non plus à la naissance, l'obligation du service militaire, assura à la royauté les forces qui lui étaient indispensables pour reprendre la lutte contre les Teutoniques, en même temps qu'elle fortifia le sentiment de l'unité nationale. La Pologne n'avait pas de droit écrit et les coutumes variaient de province à province. Le statut de Wisłica, Wisłica, devint le code commun du royaume, 1368. Ce mélange habile de modération et de fermeté donna les plus heureux résultats. L'autonomie provinciale et les privilèges des diverses classes, contenus dans une juste limite par un roi vigilant, favorisèrent le libre essor de toutes les énergies. La liberté porta tous ses fruits du moment où elle ne menaça plus l'ordre et l'unité. Les paysans, parmi lesquels les serfs étaient déjà de beaucoup les plus nombreux, adscripti servi glebae, furent protégés par la nouvelle organisation judiciaire contre quelques-uns des abus les plus criants. L'introduction du droit allemand, qui leur assurait du moins la paisible possession de leurs parcelles, la répression du brigandage, la conquête de la Russie rouge, qui ouvrait à leur travail des espérances presque infinies, réveillèrent chez eux l'esprit d'entreprise. Les domaines royaux, encore immenses, mieux exploités, donnèrent des plus-values telles que Casimir n'eut pas à solliciter des diètes, des redevances extraordinaires, et son indépendance financière accrut son autorité. La sécurité générale, une justice rigoureuse, la construction de routes, la modération des impôts favorisèrent l'agriculture. De vastes territoires furent mis en exploitation, la population s'accrut, des milliers de colons se répandirent dans la Russie rouge et y devinrent la plus solide garantie de la domination polonaise. Privée de ses débouchés sur la Baltique, la Pologne tenait du moins les grandes routes qui menaient d'Asie en Europe et de la Baltique à la mer Noire. Les villes où l'élément slave se fortifiait abandonnèrent leur velléité de politique séparatiste et ne songèrent qu'à développer leurs richesses. Cracovie, Posen, Lvov, Lemberg, Sandomir, Lublin devinrent de grands marchés internationaux. Les Juifs, qui depuis les croisades avaient cherché sur les bords de la Vistule un refuge contre les persécutions, furent placés sous la dépendance exclusive du roi et de ses palatins, statut de 1334, et commencèrent dès lors à jouer un rôle considérable dans la vie économique et sociale du pays. De nombreuses fortifications mirent le royaume à l'abri des incursions étrangères, des églises et des châteaux s'élevèrent. Casimir, dit avec quelque exagération, un historien polonais, trouva une Pologne de bois et laissa une Pologne de pierre. Les écoles se multiplièrent. De nombreux étudiants suivaient les cours des universités de Paris, de Bologne ou de Prague, et Casimir obtint d'Urbain V l'autorisation de fonder l'université de Cracovie, 1364. Cependant, la langue slave n'avait pas acquis droit de cité dans la littérature. C'est donc en latin que sont rédigés les textes de loi et les décisions des tribunaux, de même que les chroniques et les poésies lyriques qui composent alors les littératures polonaises. Mais les prêtres qui tiennent la plume sont des hommes d'action, des diplomates et des légistes, et ils apportent dans leurs œuvres le sens très vif de la réalité, un esprit politique fort aiguisé et un patriotisme sincère et vibrant. La dynastie hongroise. Le successeur de Casimir, Louis, 1370-1382, qui était en même temps roi de Hongrie, ne réussit à arriver au trône et ne s'y maintint que grâce à l'appui de l'oligarchie qui s'était constituée dans la petite Pologne. Mais elle lui vendit cher son alliance, et les stipulations de 1355, confirmées et étendues par le célèbre privilège de Cachao, 1374, marque déjà comme une abdication de la royauté. Par ce traité, qui forme en réalité les premiers pacta coventa, Louis affranchissait la noblesse de presque tous ses devoirs vis-à-vis de l'État et s'engageait à ne jamais essayer de restreindre ses prérogatives. Au savant régime d'équilibre par lequel Casimir avait fondé à la fois son autorité et la prospérité du pays, succédait la domination turbulente de quelques grandes familles qui se partageaient ou se disputaient les fonctions. Le roi ne venait guère dans le royaume, affirmant que l'air lui était mauvais. Il n'y avait plus de justice, ce n'était que vol, brigandages à main armée. Les capitaines n'y prêtaient nulle attention et ne vivaient que pour leur plaisir. À la mort de Louis, les oligarques écartèrent du trône sa fille aînée, Marie de Hongrie, parce qu'elle avait épousé un Allemand, le fils de Charles IV de Luxembourg, le futur empereur Sigismond, et ils acclamèrent sa sœur cadette, Edwige. Edwige était fiancée au fils de Léopold d'Autriche, Guillaume. Guillaume réclamait ses droits, et Edwige lui fut clémente. Le conseil de Cracovie, encore tout allemand, célébra bruyamment la consommation d'un mariage qui donnait pour roi à la Pologne un prince de l'Empire. Mais les nobles, soutenus par le sentiment populaire, forcèrent Guillaume à quitter Cracovie et offrirent la main d'Edwige au grand-duc de Lituanie, Jagellon Jagaïlo, à condition qu'il embrasserait le catholicisme et qu'il reconnaîtrait les droits de la noblesse polonaise. Edwige se résigna, on lui avait appris que ce barbare était fort présentable, les quelques crimes qu'il avait sur la conscience allaient être rachetés par le baptême. En 1386, la Lituanie fut réunie à la Pologne, union strictement personnelle encore, et qui fut longtemps précaire. Ce n'en est pas moins une date capitale dans l'histoire de l'Europe orientale. La Pologne était désormais assez forte pour reprendre victorieusement contre l'ordre la lutte si longtemps différée. Mais elle allait aussi être engagée dans la rivalité qui se dessinait dès lors entre la Lituanie et la Moscovie. De ce jour s'ouvre le duel séculaire où la Moscovie faillit périr et où succomba l'indépendance polonaise. La Lituanie depuis Minedovk. La conversion de Jagellon au christianisme ne faisait que hâter une transformation qui, retardée par la haine qu'inspiraient aux Lituaniens les Teutoniques, se préparait depuis longtemps. Fait important, ils acceptaient le christianisme romain, tandis que tout, jusqu'alors, avait paru devoir les rattacher à l'Église grecque. Les princes de Lituanie, depuis que Mindovc avait réuni sous son autorité les tribus encore barbares du Niémen, avaient étendu leur puissance sur la plus grande partie de la Russie de l'Ouest et du Sud. Les petits Russes, et même, bien qu'à un moindre degré, les Russes blancs, formaient dès l'époque la plus reculée une individualité nationale distincte. Ils n'avaient aucun goût pour les moscovites, qui n'étaient encore que les vassaux des camps. Ils acceptèrent sans déchirement la domination d'une dynastie qui leur offrait de sérieuses garanties de protection. La race lituanienne, qui s'est toujours distinguée par de remarquables facultés politiques, produisit précisément à cette époque une série de chefs de premier ordre. Gédimine, 1315-1337. Olgerd, mort en 1377. Kestut, Kestuit ou Kiestul, mort en 1382. Vitoft, enfin, 1392-1430, qui profitèrent habilement des circonstances. À la Russie noire, l'ancien domaine des Krivitch, ils ajoutèrent Grodno, Polotsk, Vitebsk, Briansk et réduisirent Smolensk à un véritable vassalage. En même temps, ils étendaient la main sur la Volhynie, Kiev, Mohilev, la Podolie, occupant ainsi toute la lisière occidentale et méridionale de l'ancienne Russie, des Yaroslavs et des Vladimir. Ces progrès devaient nécessairement aboutir à un conflit avec les grands princes de Moscovie qui, si leur attention principale était dirigée vers l'Est, ressentaient cependant une amère tristesse en voyant échapper à leur influence les provinces qui avaient été le premier berceau de la civilisation russe. La rivalité des Lituaniens et des Moscovites aboutit dès lors à une série de guerres sanglantes. L'erreur serait grave pourtant de voir dans ces conflits acharnés la lutte de deux nationalités ennemies. Ce sont plutôt des guerres dynastiques. Elles ne sont pas sensiblement différentes de celles qui, à la même époque, mettent aux prises les princes de Moscou et ceux de Tver ou de Riazan. Les Russes du Sud et de l'Ouest, qui au moment de leur réunion à la Lituanie étaient arrivés à une civilisation relativement supérieure, n'ont pas tardé en effet à transformer leur nouveau maître. Gédimine prend déjà le nom de roi des Ruthènes et des Lituaniens. Olgerd est un véritable Russe. Ses deux femmes sont russes, et de ses 12 fils, 10 reçoivent le baptême grec. Fortement établi de la mer Noire à la Baltique, maître des régions qui s'étendent de l'Oka au Bug et à la Vistule, Kestut et Vitoft poursuivent déjà les projets qui feront la grandeur des tsars orthodoxes. Ils veulent briser le joug tatar, protéger les rives de la mer Noire contre les invasions asiatiques et, en anéantissant l'ordre teutonique, s'ouvrir un libre passage vers l'Occident. Leur tentative était prématurée et ce fut une des causes de leur échec. D'ailleurs, pour une œuvre aussi colossale, il fallait une race plus solidement trempée que les tribus du Sud et de l'Ouest. Il y fallait aussi des princes dont le pouvoir fut plus incontesté et mieux assis que celui des grands princes de Vilna, qui, dans leur hâte de constituer une forte puissance militaire, avaient donné à leur gouvernement une forme toute féodale. Pour récompenser les services de leurs hommes, ils leur avaient distribué d'immenses fiefs, que ceux-ci, à leur tour, avaient divisés entre leurs chevaliers. Cette organisation, plus favorable à la conquête qu'à l'assimilation, contribua à empêcher la fusion des deux éléments principaux, lituaniens et russes, sur l'union desquels s'était élevée la grandeur des Gédimines et des Olgerd. Tandis que dans la Souzdalie et la Moscovie, les éléments finnois furent complètement absorbés par les Slaves, et que de leur mélange intime avec les Russes sortit une race d'une merveilleuse ténacité, il y eut en Lituanie deux peuples juxtaposés, et comme deux éléments distincts qui, ne parvenant pas à se combiner, se repoussèrent violemment. Au commencement du XVe siècle, une fusion paraissait encore probable. Elle aurait peut-être changé toute l'histoire de l'Europe orientale. Elle fut arrêtée par la conversion de Jagellon au catholicisme. À ce moment, entre la Lituanie et la Pologne, les contrastes étaient profonds, et il s'écoula près de 2 siècles avant que l'union devînt définitive et réelle. Mais dès ce jour, une sourde méfiance s'éveille chez les Russes, sujets de l'Empire lituanien contre les Polonais. Bataille de Tannenberg. Jagellon, qui prit comme roi de Pologne le nom de Vladislav, 1386-1434, mit au service du catholicisme son ardeur de néophyte et sa conscience peu scrupuleuse. Un évêché fut fondé à Vilna, et l'on eut, une fois de plus, l'occasion de constater la puissance de la hiérarchie romaine. L'oligarchie polonaise s'efforçait en même temps d'intéresser les magnats lituaniens au maintien de l'Union. Sur sa demande, Jagellon accorda à ses boyards la libre et complète propriété de leurs domaines et les assimila aux nobles de Pologne. Ce fut le commencement de la transformation radicale de la constitution lituanienne. La conversion de Jagellon enlevait à l'ordre sa dernière raison d'être. L'ère des croisades était bien finie. En face du monde nouveau, dont des symptômes toujours plus nombreux annonçaient l'approche, il ne lui restait plus qu'à disparaître. Depuis longtemps, il se survivait. La discipline s'était relâchée, les mœurs corrompues. Les villes et la noblesse de la province supportaient avec impatience un joug écrasant. Un moment arrêté par les défections de Vitovt, à qui Jagellon avait dû confier le gouvernement de la Lituanie et qui ne consultait que ses intérêts particuliers, les Polonais engagèrent vigoureusement l'attaque en 1409. Une seule bataille décida de la guerre. Les deux armées se rencontrèrent à Tannenberg, 15 juillet 1410. C'était la lutte de deux races et comme de deux mondes. Du Xe au XIIIe siècle, les Allemands avaient poursuivi vers l'Est leur marche victorieuse, et les Slaves avaient paru un moment menacés d'une rapide et complète extermination. Depuis lors, paralysés par la décadence de l'Empire, les progrès des Germains s'étaient arrêtés. Maintenant, l'heure de la revanche avait sonné. Les Polonais l'attendaient depuis 2 siècles. Pour ce combat suprême, Vitovt avait conduit à Jagellon ses cavaliers ruthènes et russes blancs. À côté d'eux combattait une troupe de volontaires tchèques que commandait le futur chef des bandes hussites, Ziska. Les Teutoniques étaient réduits à leur seule force. L'empereur Sigismond avait promis des secours, mais ses troupes avaient à peine dépassé la frontière. En même temps que deux races, deux systèmes militaires étaient en présence. L'armée du Moyen-Âge fut vaincue par l'organisation supérieure des Polonais et la stratégie plus savante de Vitovt. Le grand maître, Ulrich de Jungingen, était un fort médiocre général et, dans les troupes qu'il commandait, il ne pouvait compter que sur les chevaliers. Sa mort fut le signal de la déroute. Plus que la défaite, les suites immédiates qu'elle entraîna prouvèrent l'affaiblissement de l'ordre. Helbing, Danzig, Thorn, Brandsberg ouvrirent leurs portes aux vainqueurs. Les Polonais furent arrêtés par la vaillance du nouveau grand maître, Henri de Plauen, qui, à Marienbourg, repoussa toutes les attaques de Jagellon. Les États voisins s'étaient émus. La Hongrie, la Livonie, la Poméranie, le Brandebourg accouraient au secours des Teutoniques. Le roi craignit de compromettre son succès en le poussant jusqu'au bout. Le traité de Thorn, 1411, ne lui donna que la Samogitie et le district de Drobzin. L'ordre, bien qu'il eût échappé ainsi à une destruction immédiate, ne se releva jamais de son désastre. Il avait perdu le prestige moral et la confiance qui étaient les conditions essentielles de sa puissance. L'énergie militaire de Henri de Plauen ne suffit ni à ramener la discipline, ni à rétablir l'union entre les chevaliers et les habitants. Désormais, suivant la parole de Ranke, le roi de Pologne était maître de la Vistule. De sa volonté seule et des circonstances qui la déterminaient dépendait la suppression ou le maintien des Teutoniques. L'œuvre de la colonisation allemande sur les bords de la Baltique, gravement compromise par leur impéritie, ne devait pas cependant périr. Au moment même où l'ordre s'effondrait, incapable de garder plus longtemps le poste d'honneur qu'il avait conquis, Sigismond lui préparait des successeurs en donnant la marche de Brandebourg à Frédéric de Hohenzollern, et les rois de Prusse devaient relever plus tard le château de Marienbourg. L'heure du plus éclatant triomphe de la Pologne est ainsi celle même où se constitue la puissance de ses adversaires les plus acharnés. La communauté de gloire servit du moins à souder entre les deux États qu'avait rapproché le mariage de Jagellon et d'Edwige une alliance plus étroite. Au grand parlement de Hohotlo, 1413, la Lituanie fut organisée sur le modèle de la Pologne. Fin de la section 64.